Yeah. Tu veux de la sûreté, c'est fini. Tu veux du fair play, c'est fini. De la clarté, c'est fini. Tu veux des frères, c'est fini. De la fraîche, c'est fini. Je veux de la verte, mais c'est fini. Je fais de la merde, c'est fini. Tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire. Quand j'ai les gros, je déconne grave. Tard, je pète les plombs. Vous jouez les pros, mais comme d'hab. Quand je fais l'électro, quand j'ai les gros, je déconne grave. Je pète les plombs. Vous jouez les pros, mais comme d'hab. Quand je fais l'électro, je vous mets des grosses claques. Et quand t'as go, ma veste, je décroche, hab, j'ai plus d'un gros. J'ai pas les top d'un héros, je dois effacer mes dos. Erroné, si tu pars, là, si tu te gagnes, tant pis, je serai quand même parmi les CD que t'enfiles. Eh, viens faire un tour du côté de chez WAM. Teste et prends-toi pour numéro 1. Une trace de merde, c'est ce que tu laisseras, girl. Fais gaffe à ton boule quand tu te baisseras. On est sur ton OCC, AM, si fait bélec. J'essaierai de te mettre à l'aise, pour baiser, faire mes dièses et mieux te la serrer. Mon flow, mes rimes, acéré. SX et WAM, tu connais. Toujours au top, mais dépressif pour déconner. Tu veux de la sûreté, c'est fini. Tu veux du fair play, c'est fini. De la clarté, c'est fini. Tu veux des frères, c'est fini. De la fraîche, c'est fini. Je veux de la verte, mais c'est fini. Je fais de la merde, c'est fini. Tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire. Tu veux de la sûreté, c'est fini. Tu veux du fair play, c'est fini. De la clarté, c'est fini. Tu veux des frères, c'est fini. De la fraîche, c'est fini. Je veux de la verte, mais c'est fini. Je fais de la merde, c'est fini. Tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire. On est sur ton OCC, AM, si fait Bélec, j'essaierai de te mettre à l'aise, rap pour baiser, faire mes dièses et mieux te la serrer. Mon flow, mes rimes, acérées. SX et WAM, tu connais. Toujours au top, mais dépressif pour déconner. Tu veux de la sûreté, c'est fini. Tu veux du fair play, c'est fini. De la clarté, c'est fini. Tu veux des frères, c'est fini. De la fraîche, c'est fini. Je veux de la verte, mais c'est fini. Je fais de la merde, c'est fini. Tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire. Tu veux de la sûreté, c'est fini. Tu veux du fair play, c'est fini. De la clarté, c'est fini. Tu veux des frères, c'est fini. De la fraîche, c'est fini. Je veux de la verte, mais c'est fini. Je fais de la merde, c'est fini. Tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire. Tout ce que je sais faire. Right.